Ella zapanialo tapu na mikono, a poki safano na ikono. Maman, je vais même pas ça pour comme moi. Moi, qu'à m'en débouger, t'y rapprocher. Bye.